Vendre se dit... Vender? Vender? Vender. Hein? Ça s'écrit bien avec un V, hein, comme en français, mais le V se prononce B. Hein? Il se prononce toujours B en espagnol. Donc, vender. Hein? On insiste bien sur la dernière syllabe. Vender. Je le vends? Lo vendo? Je n'ai pas trop bien entendu où vous avez accentué. Lo vendo. D'accord, lo vendo. On doit bien entendre sur quelle syllabe vous insistez. Puis, la terminaison, qui est capitale pour savoir quel est le sujet du verbe. Donc, lo vendo. Hein? Je ne le vends pas. No lo vendo. C'est ça, hein? No lo vendo. Et vous, hein, usted, le vendez, ça sera? Lo vende? Oui, bien sûr, hein, lo vende. Pourquoi est-ce que vous ne le vendez pas? Por qué no lo vende? C'est ça, por qué no lo vende?